بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre الملخص في شرح كتاب التوحيد. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. Durant le cours dernier, on avait expliqué le hadith d'Abu Waqid al-Layfi concernant le chapitre du fait de rechercher la bénédiction auprès des arbres, des pierres et autres. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله. Puis l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه الله, ouvre le chapitre de ce qui est rapporté dans le fait de sacrifier pour autre qu'Allah. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en sourate Al-An'am, les bestiaux, les versets 162 et 163, dans lesquels Allah azza wa jal dit selon le sens, dit ô Muhammad, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. À lui, nul associé. Voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Wa ana awwalul muslimin. Qala Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah, munasabatu al-bab li kitab al-tawhid, anna fihi bayanan li naw'in min anwa'i al-shirk al-mudad lil-tawhid. ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد وفي بيان حكمه نسكي ذبحي محياي ما آتيه في حياتي مماتي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح وبذلك أمرت أي أمرني ربي بالإخلاص في العبادة أول المسلمين أي أول من يتمثل من هذه الأمة أول من يمتثل من هذه الأمة. المعنى الإجمالي للآية: يأمر الله عز وجل نبيه أن يقول للمشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره إني أخلص لله صلاتي وذبحي وما أحيا وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح أصرف كل ذلك له وحده لا أشرك به أحدا عكس ما أنتم عليه من الشرك. Donc quel est le contexte de ce chapitre, le chapitre de ce qui est rapporté dans le fait de sacrifier pour autre qu'Allah? Quel est le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid? Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, dit, le contexte est qu'il y a dans ce chapitre l'explication d'une des sortes de polythéisme qui contredit le Tawhid, à savoir le fait de sacrifier pour autre qu'Allah. Et la parole de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ce qui est rapporté dans le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, c'est-à-dire ce qui est rapporté comme menace, comme châtiment, et ce qui a été expliqué comme jugement. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي, dit ma prière et mes sacrifices. Nusuki ay dhabhi, c'est-à-dire les bêtes que je sacrifie. Mahyaya, ma vie, c'est-à-dire ce que je fais dans ma vie. Mamati, et ma mort, c'est-à-dire ce sur quoi je meurs comme foi et acte pieux. Wabidhalika umirt, et c'est ce qui m'a été ordonné, c'est-à-dire que c'est mon Seigneur qui m'a ordonné de l'adorer en toute sincérité, subhanahu wa ta'ala. Et je suis le premier à me soumettre, c'est-à-dire que je suis le premier de cette communauté à mettre en pratique cet ordre. Le sens général de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux polythéistes qui adorent autre qu'Allah et qui sacrifient pour autre qu'Allah, il lui a ordonné de leur dire, je vous, en toute sincérité à Allah mes prières et mes sacrifices, de même que tout ce pour quoi je vis et ce sur quoi je meurs comme foi et acte pieux, tout ceci je le voue à Allah seul sans ne rien lui associer, contrairement à vous qui associez à Allah autre que lui dans ces choses. مناسبة الآية للباب أنها تدل على أن الذبح لغير الله شرك تدل على أن الذبح لغير الله شرك. Je crois que dans le livre il y a une erreur de frappe. Ce n'est pas أن الذبح mais أن الذبح. Le contexte maintenant de ce verset dans ce chapitre. Ce verset prouve que le fait de sacrifier pour autre qu'Allah est du shirk et du polythéisme. ما يستفاد من الآية أولا أن الذبح لغير الله شرك أكبر لأنه قرنه بالصلاة فكما أن من صلى لغير الله فقد أشرك فكذلك من ذبح لغير الله فقد أشرك. Ce que l'on retient de ce verset, premièrement que le fait de sacrifier pour autre qu'Allah est du grand polythéisme. Et il faut bien retenir ce premier point qu'a cité Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, car c'est ce premier point que l'on déduit que le fait de sacrifier pour autre qu'Allah est du grand polythéisme. Si une personne vous pose cette question, vous dites le tawhid, le shirk, apporte-moi une preuve que le fait de sacrifier pour autre qu'Allah est du shirk. Celui qui ne connaît pas, celui qui n'apprend pas, celui qui n'étudie pas le tawhid, répondra difficilement. Cheikh Al-Fawzan dit ce que l'on retient de ce verset, premièrement, que celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, que cela est du grand polythéisme. Pourquoi ? Car Allah a cité le sacrifice avec la prière. Et comme celui qui prie pour autre qu'Allah a commis du polythéisme, de la même façon, celui qui sacrifie pour autre qu'Allah a commis du polythéisme. ثانياً أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات. Deuxièmement, on retient de ce verset que la prière et le sacrifice, c'est-à-dire sacrifier une bête, fait partie des adorations les plus immenses. ثالثا وجوب الإخلاص لله في جميع العبادات. Troisièmement, on retient de ce verset l'obligation d'être sincère envers Allah dans l'ensemble des adorations. Comment est-ce que l'on déduit ce troisième point? Comment est-ce qu'on déduit ce troisième point de ce verset? Qu'il est obligé et obligatoire de vouer toutes les adorations à Allah. Ahsant, wa mahyaya wa mamati. Ce pourquoi je vis et ce pourquoi je meurs. Ou ce sur quoi je meurs. On a vu que ceci englobe la foi et les actes pieux. Rabi'an, anna al-ibadat tawqifiyya. أي متوقفة على أمر الشارع لقوله وبذلك أمرت. Quatrièmement, on retient de ce verset que les adorations sont tawqifiyah, c'est-à-dire qu'elles sont suspendues au législateur. Tu ne peux adorer que si Allah l'a légiféré. Et la preuve et la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « وَبِذَلِكَ أُمِرْتْ » et c'est ce qui m'a été ordonné. Ainsi, on adore Allah Azza wa Jal conformément à ce qu'il a légiféré. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله فصلي لربك وانحر. L'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab dit: et la parole d'Allah Azza wa Jal, prie pour ton Seigneur et sacrifie. C'est-à-dire sacrifie pour ton Seigneur. فصلي لربك أي لا لغيره وانحر أي اذبح. المعنى الإجمالي للآية يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلص له في صلاته وذبيحته مخالفا للمشركين الذين يعبدون غير الله وينحرون للأوثان. مناسبة الآية للباب أن الذبح عبادة يجب إخلاصها لله وصرفها لغيره شرك أكبر. ما يستفاد من الآية: أولا أن الذبح لغير الله شرك أكبر لأنها عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. ثانيا أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات. ثالثا أن الصلاة والذبح لله من أعظم مظاهر شكر النعم، فإنه أتى بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه من الكوثر. Ce deuxième verset de Sourate Al-Kawthar, Allah Azza wa Jal dit à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam: prie pour ton Seigneur et sacrifie. Prie pour ton Seigneur, c'est-à-dire prie pour lui et ne prie pas pour autre que lui. Wanhar et sacrifie, c'est-à-dire égorge. Égorge les bêtes. Le sens général de ce verset: Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam de lui vouer exclusivement la prière ainsi que les sacrifices. Et ceci contrairement aux polythéistes qui adorent autre qu'Allah et qui sacrifient pour leurs idoles. Le contexte de ce verset dans ce chapitre, le chapitre qui est ce qui est rapporté dans le fait de sacrifier pour autre qu'Allah. Ce verset montre que de sacrifier est une adoration que l'on doit vouer à Allah. Et celui qui l'avoue à autre qu'Allah a commis du grand polythéisme. Ce que l'on retient de ce verset: premièrement, que le dhabh, que le sacrifice pour autre qu'Allah est du grand polythéisme, car c'est une adoration. Et le fait de vouer une adoration à autre qu'Allah est du grand polythéisme. Donc les preuves que le fait de sacrifier pour autre qu'Allah est du grand polythéisme, dans le verset précédent, parce qu'Allah l'a cité en même temps que la prière, et la deuxième preuve, c'est que le fait de sacrifier pour Allah est une adoration. Le fait de sacrifier est une adoration, et celui qui adore autre qu'Allah a commis du polythéisme. Deuxièmement, on retient de ce verset la même chose que le verset précédent, à savoir que la prière et le sacrifice font partie des adorations les plus immenses. Et Allah Azza wa Jal cite beaucoup dans le Coran la prière avec le sacrifice. Thalithan, ce que l'on retient troisièmement, et ceci est un point important qu'a soulevé Cheikh Al-Fawzan, c'est une faïda importante, que la prière et le sacrifice pour Allah font partie des emblèmes par lesquels l'on est reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Vous savez que la différence entre Al-Hamd et Al-Shukr est que Al-Hamd se fait par la parole et Al-Shukr par la parole et les actes. Et si tu veux être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal parce qu'il t'a comblé d'un bienfait, eh bien les moyens les plus emblématiques par lesquels tu peux être reconnaissant envers ton Seigneur, c'est la prière et le dhabh, et de sacrifier des bêtes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car ici, Allah Azza wa Jal a cité le fa, fasalli li rabbika wanhar. Et ici, le fa, les savants disent, hiya dalla ala sabab. Ici, le fa montre une cause. Quel est ce qui a provoqué cette cause? C'est le fait d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azzawajal. Car Allah Azzawajal a dit dans ce verset, dans cette sourate, « Inna a'tayna kawthar ». Nous t'avons donné le kawthar, qui est un fleuve du paradis. Puis ensuite Allah Azzawajal a dit, « Fassalli li rabbika wanhar ». Et prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. C'est-à-dire en guise de reconnaissance du fait qu'il t'a accordé le kawthar. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. Et là aussi, il y a une erreur de frappe. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ. Il y a un « ha » en plus. Selon Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit quatre paroles. Allah maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Et Allah maudit celui qui maudit ses parents. Et Allah maudit celui qui protège un criminel. Et Allah maudit celui qui change les limites terrestres, ou on peut traduire aussi les limites territoriales. Celui qui change les limites que les gens ont placées pour séparer leur terre des autres et pour que chacun connaisse la limite de sa terre. Et le hadith est rapporté par Muslim dans son sahih. قال الشيخ الفوزان حفظه الله لعن الله اللعنة من الله الطرد والإبعاد ومن المخلوقين السب والدعاء. Allah maudit. La malédiction qui provient d'Allah, c'est le fait d'être repoussé et d'être éloigné. C'est le fait d'être repoussé et d'être éloigné. Et lorsque la malédiction provient d'une créature, cela signifie alors l'insulte et l'invocation. Que c'est clair ou pas? Quand on dit un tel a maudit un tel, c'est-à-dire qu'il l'a insulté. Mais lorsque l'on dit Allah maudit un tel, c'est-à-dire qu'Allah l'a éloigné et l'a expulsé, c'est-à-dire de sa miséricorde. ذبح لغير الله من الأصنام من الأصنام أو الأولياء والصالحين أو الجن أو غير ذلك. Donc dans le hadith, le professeur Asselam a dit « La'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah » Celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, qu'il sacrifie pour une statue, ou pour un saint, ou pour un vertueux, ou pour un djinn, ou pour toute autre chose. « La'ana walidayh al-muradu bihima abuhu wa ummuhu wa in'alaw » سواءٌ باشر لعنهما أو تسبب فيه بأن يلعن والدي شخص فيرد عليه بالمثل. Et dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, et Allah maudit celui qui maudit ses parents. Les parents ici, ce qui est voulu, c'est le père et la mère en montant. C'est-à-dire, cela inclut également les grands-pères, les grands-mères, les arrière-grands-pères, les arrière-grands-mères. Que la personne maudisse ses parents de façon directe ou indirecte. Et on dit, on a vu tout à l'heure, que le fait de maudire et quand la malédiction provient d'une créature, cela signifie l'insulte. Que cette personne insulte directement ses parents ou de façon indirecte. Comment il peut le faire de façon indirecte? En insultant les parents d'une autre personne. Puis celui-ci lui répond en insultant ses parents. Eh bien, il entre dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Awa ay dhamma wa hama. Ay dhamma wa hama. Et Allah maudit celui qui protège et rapproche un criminel. Et on verra par la suite ce que cela signifie. ولعن الله من آوى محدثا محدثا بكسر الدال الجاني وبفتحها هو الأمر المبتدع في الدين وإيواؤه الرضا به. Donc dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, et Allah maudit celui qui protège un criminel. محدثا, lorsqu'il y a une kasra sur le dal, cela signifie un criminel. Et lorsqu'il y a une fatha sur le dal, muhdatha, car les deux sont justes, on peut dire la'ana Allahu man awa muhdatha ou awa muhdatha. Avec la fatha sur le dal, cela signifie une chose innovée dans la religion. Et le terme awa, dans ce cas, signifiera le fait d'accepter et d'être d'accord avec ou d'être satisfait d'une chose qui est innovée dans la religion. غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ مَنَارُ الْأَرْضِ هِيَ الْمَرَاسِيمُ الَّتِي تُفَرِّقُ بَيْنَ مُلْكِكَ وَمُلْكِ جَارِكَ وَتَغَيُّرُهَا يَكُونُ بِتَقْدِيمِهَا أَوْ تَأْخِيرِهَا. Et Allah maudit celui qui change les limites terrestres. Les limites terrestres, Cheikh Al-Fawzan dit, ou les limites territoriales, ce qui délimite les terres de chacun, il dit, manar ou l'ard, ce sont ces panneaux ou ces indications qui viennent séparer ton bien du bien de ton voisin. Ça peut être une clôture, ça peut être un mur, ça peut être un panneau, à Kulihal, quelque chose qui est posé, planté sur la terre, afin de délimiter l'espace de chacun. Et le fait de la modifier a lieu soit en avançant ses limites, ou soit en les reculant. Et en avançant ou reculant ses limites, soit l'un, c'est l'un ou l'autre qui est lésé. Soit tu as pris de la terre de ton voisin, ou soit c'est le voisin qui aura pris de ta terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudit celui qui agit ainsi. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith. Yuhadhiru an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ummatahu min arba'i jara'im. Fayukhbiru anna Allah ta'ala yatrudu min rahmatihi man irtakaba wahidatan minha. الأولى التقرب بالذبح إلى غير الله لأنه صرف للعبادة إلى غير مستحقها. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde sa communauté contre quatre crimes et il informe qu'Allah azza wa jal expulse et éloigne de sa miséricorde celui qui commet l'un de ceux-ci. Le premier de ces crimes, le fait de se rapprocher d'autre qu'Allah par le sacrifice, car cela revient à vouer une adoration à quelque chose ou quelqu'un qui ne le mérite pas. الثانيه من دعا على والديه باللعنه او سبهما أو تسبب في ذلك بأن يصدر منه ذلك في حق أبوي شخص فيرد عليه ذلك الشخص بالمثل. Deuxièmement, ce deuxième crime, celui qui invoque contre ses parents en demandant la malédiction. Donc, le fait de lorsque l'on dit une personne a maudit une autre, cela englobe deux choses comme on l'a vu tout à l'heure. Soit cela veut dire qu'il l'a insulté ou qu'il l'a invoqué. C'est-à-dire qu'il a invoqué la malédiction d'Allah contre eux. qu'il a invoqué la malédiction d'Allah contre eux. Ici, Cheikh Al-Fawzan dit celui qui invoque contre ses parents en les maudissant ou en les insultant ou en étant la cause de cela, comme le fait d'insulter les parents d'une personne et celui-ci répond en insultant de la même façon ses parents. Al-Thalitha, man hama janiyan mustahiqan lil hadd al-shar'i فمنعه من أن يقام عليه الحد أو رضي ببدعة في الدين وأقرها. Le troisième crime est celui qui protège un criminel sur qui le jugement d'Allah doit être appliqué. Celui donc qui protège un criminel de telle sorte qu'il empêche que le jugement et la loi d'Allah soient appliqués sur ce criminel, ou bien une personne qui est satisfaite d'une innovation dans la religion et l'accepte. Et là, on voit la gravité de l'innovation. Et cela répond à ceux qui disent que les salafis passent leur temps à parler de bid'a, bid'a, bid'a. Bien sûr. Alhamdulillah, on continuera à mettre en garde contre la bid'a jusqu'à ce qu'Allah prenne nos âmes, car celui qui connaît la gravité de l'innovation ne peut se taire face à celle-ci. Al-Rabi'a, man tasarrafa fi marasim al-ardi allati tafrizu al-huquqa fa qaddamaha aw akharaha an makaniha فينشأ عن ذلك اقتطاع شيء من أرض غيره ظلما. Le quatrième crime est celui qui s'en prend aux limites placées sur terre, qui viennent séparer et délimiter les biens de chacun. Ceci soit en les avançant, soit en les reculant de l'endroit dans lequel ils ont été placés. Cela cause alors un manquement où cela a pour cause de prendre une partie de la terre d'autrui de façon injuste. Munasabatul hadith lil bab. Anna fihi dalilan ala ghilzi tahrim adh-dhabh li ghayri Allah, حيث إن فاعله أول من يستحق لعنة الله. Quel est le contexte de ce hadith dans ce chapitre? Le chapitre de ce qui a été rapporté dans le fait de sacrifier pour autre qu'Allah. Il y a dans ce hadith la preuve de la gravité du péché de sacrifier pour autre qu'Allah. Car celui qui sacrifie pour autre qu'Allah est le premier qui mérite la malédiction d'Allah. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité qui en premier? La'anallahu man zabaha li ghayrillah. Ma yustafadu min al-hadith. Awalan, anna zabha li ghayrillahi muharramun shadidu al-tahrim wa shirkun fi muqaddimati al-kabair. Premièrement, ce que l'on retient de ce hadith est que le fait de sacrifier pour autre qu'Allah est une interdiction, une grave interdiction. Et c'est du polythéisme qui est au début ou qui est en tête des grands péchés. ثانياً أن الذبح عبادة يجب صرفها لله وحده. Deuxièmement, que le sacrifice est une adoration qu'il faut exclusivement vouer à Allah. ثالثاً تحريم لعن الوالدين وسبهما مباشرة أو تسببا. Troisièmement, l'interdiction de maudire ses parents, de les insulter de façon directe ou indirecte. رابعا, تحريم مناصرة المجرمين وحمايتهم من تطبيق الحد الشرعي عليهم وتحريم الرضا بالبدع. Quatrièmement, on retient ce hadith, l'interdiction de donner victoire à de donner victoire aux criminels, ou bien de les protéger, ou d'empêcher que la loi d'Allah soit appliquée sur eux, et l'on retient également l'interdiction d'être d'accord et d'être satisfait des innovations. خامساً تحريم التصرف في حدود الأرض بتقديم أو تأخير. Cinquièmement, l'interdiction de toucher aux limites terrestres, soit en les avançant, soit en les reculant. سادساً جواز لعن أنواع الفساق لأجل الزجر عن المعاصي. Sixièmement, l'autorisation de maudire certains pervers afin de les repousser à commettre les interdits et les péchés. Car ici, le prophète sallam a maudit des personnes qui commettent des péchés. Ceci dans le but de montrer la gravité et de faire en sorte de repousser le maximum ces personnes de commettre ce genre de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم ولا يجاوز أحد حتى يقرب له شيئا قالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فقرب ذبابا فخلوا سبيله. Donc là, il n'y a pas le dal. فدخل النار. Qu'est-ce que vous avez dans les autres? Non? Non, فدخل النار. Et avant, c'est فخلوا سبيله. فخلوا سبيله. Il n'y a pas le dal. Non. وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله طارق بن شهاب هو طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه فحديثه مرسل صحابي مات طارق سنة 83 رضي الله عنه في ذباب أي بسبب ذباب صنم ما كان منحوتا على صورة لا يجاوزه لا يمر به ولا يتعداه يقرب يذبح. Donc selon طارق بن شهاب, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: un homme est entré au paradis grâce à une mouche, et un homme est entré en enfer à cause d'une mouche. Ils ont dit, et comment cela, ô envoyé d'Allah? Il a répondu, deux hommes sont passés à proximité d'un peuple qui avait une idole. Personne ne devait dépasser cette idole sans avoir auparavant sacrifié une chose pour elle. Ils ont dit à l'un d'entre eux, sacrifie. Il a dit, je n'ai rien à sacrifier. Ils lui ont dit, sacrifie ne serait-ce qu'une mouche. Il a alors sacrifié une mouche, ils lui ont laissé le passage et il est entré en enfer. Ils ont dit à l'autre, sacrifie. Il a dit, je ne peux sacrifier une chose à autre qu'Allah. Ils ont alors frappé son cou et est entré au paradis. Rawah ou l'imam Ahmed. Qala Sheikh al-Fawzan. Tariq ibn Shihab, c'est Tariq ibn Shihab al-Bajali, l'Ahmasi, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'a pas entendu de lui. son hadith est donc mursal. Et le hadith mursal est un hadith qui rentre dans la catégorie des hadiths faibles. Qui rentre dans la catégorie des hadiths faibles. Et on avait cité dans les cours précédents qu'il y a dans le livre de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, Kitab al-Tawhid, des hadiths qui sont faibles. On avait cité la parole de Cheikh Fawzan, hafizahullah, que les hadiths rapportés par l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab dans son livre Kitab al-Tawhid, soit sont authentiques, soit ils sont hassan, bons, soit ils sont faibles, mais leur sens est appuyé par d'autres hadiths authentiques. Et ce hadith en fait partie. Cheikh l'Albani, rahimahullah, l'a jugé faible, et il a dit, rahimahullah, « وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ مَوْقُوفًا عَلَى سَلْمَانٍ الْفَارِسِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهِ إِلَّا أَنَّهُ يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ مِنَ الْإِسْرَائِلِيَاتِ التي كان تلقاها عن أسياده حينما كان نصرانيا. Cheikh l'Albani rahimahullah a dit, en jugement de ce hadith, que le hadith est faible, marfou'an, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette façon, mais qu'il est authentique de la part de Salman al-Farisi. Al hadith al-mawquf, c'est la parole d'un compagnon. Lorsque l'on dit le hadith al-mawquf, c'est une parole qui s'arrête au compagnon. Donc c'est une parole qui est attribuée à l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, Cheikh l'Albani dit que ce hadith est mawquf à Salman al-Farisi, radiyallahu anhu. Et Cheikh l'Albani, rahimahullah, rajoute en disant, sauf qu'il me paraît que ces paroles font partie de l'Israïliyat. L'Israïliyat sont les faits qui sont rapportés par les fils d'Israël. Par les fils d'Israël. Et il dit, rahimahullah, Cheikh l'Albani, que ce qui me paraît, c'est que cela fait partie de l'Israïliyat, que Salman al-Farisi a pu entendre de ses maîtres lorsqu'il était chrétien. Car vous savez que Salman al-Farisi était chrétien et il a rencontré un certain nombre, il était l'élève d'un certain nombre de prêtres et il a connu l'islam, notamment lorsqu'il est parti, lorsqu'il a entendu parler d'un prophète en Arabie et qu'il l'a rencontré, radiyallahu ta'ala anhu. Et concernant l'Israïliyat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Hadithu an bani Israël wa la haraj » et rapporter des fils d'Israël sans qu'il n'y ait de mal, à condition qu'il n'y ait pas de contradiction avec ce qui existe, avec ce qui est existant dans notre religion. Donc, Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, dit: donc, lorsque l'on cite ce hadith, il fait partie de la amana ilmiya, du dépôt de la science, de dire qu'il est faible, tout en reconnaissant que le sens est vrai. Et l'on verra, par la suite de l'explication de Cheikh Fawzan, que les sens, effectivement, sont vrais et sont appuyés par d'autres preuves. Fi Dhubab, donc, un homme est entré au paradis grâce à une mouche, c'est-à-dire par la cause d'une mouche. Lorsque dans le hadith il est cité que deux hommes sont passés à proximité d'un peuple qui avait une idole, Sanam. Sanam, on l'a vu dans les explications précédentes, une statue, c'est ce qui est sculpté ayant une forme. C'est ce qui est sculpté ayant une forme. Et ce peuple interdisait à quiconque de passer à proximité de cette statue qui se trouvait dans un chemin. Qui se trouvait dans un chemin, et ils interdisaient à quiconque de passer et de dépasser cette statue sans auparavant avoir sacrifié une chose pour elle. المعنى الإجمالي للحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة الشرك وشناعته فيحدث أصحابه ويبدأ حديثه ببداية تجعل النفوس تسترغب وتتطلع إلى سياق هذا الحديث دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب شيء يسير سبب أمرا خطيرا وأوجب السؤال عن تفصيله وهنا يفصل فيقول وهنا يفصل ويقول إن رجلين يظهر أنهما من بني إسرائيل أراد العبور مع مكان يحل في ساحته صنم يفرض على من يفرض على من أراد تجاوزه أن يذبح له تقربا إليه وتعظيما له فطلب عباد ذلك الصنم من رجلين التمشي على هذا النظام الشركي فأما أحدهما فاعتذر بالعدم فقنعوا منه بأيسر شيء لأن مقصودهم حصول الموافقة على الشرك فذبح للصنم ذبابا فتركوه يمر فدخل بسبب فعله هذا نار جهنم لأنه فعل الشرك ووافقهم عليه وطلبوا من الآخر أن يقرب للصنم فاعتذر بأن هذا شرك ولا يمكن أن يفعله فقتلوه فدخل الجنة لامتناعه من الشرك. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe de la gravité du polythéisme. Et il a parlé à ses compagnons et a commencé sa parole par des mots qui font que la personne s'étonne et attend la suite du récit. Un homme est entré au paradis grâce à une mouche et un homme est entré en enfer à cause d'une mouche. Ce sont des paroles qui, lorsque l'on les entend, cela nous donne envie de connaître la raison de ces deux choses. C'est donc une chose simple, aisée. Une mouche, ce n'est pas quelque chose d'important, mais qui a causé des choses importantes ou graves. Et cela a impliqué la question qu'ont dirigé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de connaître les détails. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé sa réponse en disant que deux hommes, et ce qui apparaît, c'est que ce sont deux hommes qui faisaient partie des fils d'Israël. Ici, on voit que Cheikh Al-Fawzan rejoint ce que Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit concernant ce hadith. Que deux hommes, et ce qui apparaît est qu'ils font partie des fils d'Israël, voulaient traverser un endroit dans lequel était disposée une statue. Et il était obligatoire pour toute personne qui désirait traverser cet endroit de sacrifier à cette statue une chose afin de se rapprocher d'elle et de l'immensifier. Ainsi, les adorateurs de cette statue ont demandé à ces deux hommes de se plier à cette règle polythéiste. Quant à l'un d'entre eux, il s'est excusé, n'ayant rien à sacrifier. Ils ont alors accepté de lui la chose la plus simple, car leur but est que la personne sacrifie une chose et commette du polythéisme. Il a alors sacrifié pour cette statue une mouche. Ils lui ont alors laissé le chemin libre. Et il est entré à cause de cela dans le feu de Jahannam, car il a commis du polythéisme et a été d'accord avec la demande de ce peuple. Ils ont demandé à l'autre homme de sacrifier pour la statue. Il s'est excusé, car cela fait partie du polythéisme, et il lui est impossible de le faire. Ils l'ont alors tué, et il est entré au paradis, car il s'est abstenu du polythéisme. مناسبة الحديث للباب أنه دل على أن الذبح عبادة وأن صرفه لغير الله شرك. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, que il y a dans ce hadith une preuve que le fait de sacrifier est une adoration, et le fait de l'avouer à autre qu'Allah est du polythéisme. ما يستفاد من الحديث أولا بيان خطورة الشرك ولو في شيء قليل. Ce que l'on retient de ce hadith, premièrement, la gravité du polythéisme, même lorsque cela concerne des choses minimes. ثانياً أن الشرك يوجب دخول النار وأن التوحيد يوجب دخول الجنة. Deuxièmement, que le polythéisme implique l'entrée en enfer et que le tawhid implique l'entrée au paradis. ثالثاً أن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يدري أنه الشرك الذي يوجب النار. Troisièmement, qu'une personne peut commettre du polythéisme sans savoir que c'est du polythéisme qui fait entrer en enfer. رابعا, car celui qui a sacrifié la mouche, savait-il que cela le ferait entrer en enfer? Non. Est-ce que cela l'a excusé? Non. رابعا التحذير من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان. Quatrièmement, le fait de prendre garde au péché, même si en apparence ils n'ont pas grande importance. خامسا أن هذا الرجل دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. Cinquièmement, que cet homme est entré en enfer à cause d'une chose qu'il n'a pas voulu faire dès le début, mais il l'a fait afin d'être épargné du mal des adorateurs de cette statue. Sadisan, أن المسلم إذا فعل الشرك أبطل إسلامه ودخل النار لأن هذا الرجل كان مسلما. وَإِلَّا لَمْ يَقُلْ دَخَلَ النَّارَ فِي ذُبَابٍ. Sixièmement, que le musulman, lorsqu'il fait du polythéisme, cela annule son islam et il entre en enfer. Car cet homme était musulman. Sinon, il n'aurait pas dit « il est entré en enfer à cause d'une mouche ». Est-ce que vous avez compris ou pas? Si c'était un mécréant, il serait rentré en enfer à cause de sa mécréance. Mais là, il était bel et bien musulman, et ce qui l'a fait entrer en enfer, c'est cette mouche qu'il a sacrifiée pour cette statue. سابعاً أن المعتبر عمل القلب وإن صغر عمل الجوارح وقل. Septièmement, que ce qui est pris en compte sont les actes du cœur, même si les actes des membres du corps sont minimes. Car celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, lorsqu'il sacrifie pour cette idole ou pour ce saint ou autre, il le fait en immensifiant cette chose, en lui donnant une importance qui n'est pas la sienne. Et ceci fait partie des actes du cœur. Or, celui-ci, cet homme, l'acte des membres de son corps était minime, qui est de sacrifier une mouche. Mais par contre, ce qu'il y avait dans son cœur comme immensification et comme vénérance vis-à-vis de ses statues est ce qui a été pris en compte et ce qui l'a fait entrer en enfer. ثامناً أن الذبح عبادة وصرفه لغير الله شرك أكبر. Huitièmement, que le fait de sacrifier est une adoration et que de le vouer à autre qu'Allah est du grand polythéisme. تاسعا فضل التوحيد وعظيم ثمرته. Neuvièmement, le mérite du tawhid et son immense récompense. عاشرا فضيلة الصبر على الحق. Dixièmement, le mérite de patienter dans la vérité. ثم قال المؤلف رحمه الله لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. في الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ouvre le chapitre que l'on ne sacrifie pas pour Allah dans un endroit dans lequel il est sacrifié pour autre qu'Allah. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. La parole d'Allah Azza wa Jal ne t'y tient jamais debout, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier, car c'est là qu'on trouve des gens qui aiment se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه تابع للباب الذي قبله لأن الذي قبله فيه بيان حكم الذبح لغير الله وهذا الباب فيه منع الوسيلة الموصلة إلى ذلك ومنع التشبه بأهله. Quel est le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid? Ce chapitre, à savoir que l'on ne sacrifie pas pour Allah dans un endroit dans lequel il est sacrifié pour autre qu'Allah, ce chapitre vient en continuité du chapitre qui le précède, qui est ce qui était rapporté dans le fait de sacrifier pour autre qu'Allah. Car le chapitre précédent montre le jugement de sacrifier pour autre qu'Allah. Et ce chapitre vient interdire tout tout moyen qui permettrait d'arriver à cette interdiction de sacrifier pour autre qu'Allah. Et ce chapitre vient également interdire le fait de ressembler à ceux qui sacrifient pour autre qu'Allah. يذبح فيه لغير الله أي أعد لذلك وقصد من أجله لا تقم فيه أبدا لا تقم فيه لا تصلي في مسجد الضرار لمسجد أسس بني على التقوى على طاعة الله ورسوله المطهرين الذين يتطهرون من الأنجاس الحسية والمعنوية. Et dans la parole de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, Cheikh al-Fawzan dit « Dans lequel on sacrifie pour autre qu'Allah. Il est interdit de sacrifier pour Allah dans un endroit dans lequel il est sacrifié pour autre qu'Allah. C'est-à-dire dans un endroit qui est préparé à cet effet et dans lequel les gens se rendent pour cela. C'est-à-dire pour sacrifier pour autre qu'Allah. » Et dans le verset de Surat al-Tawbah, le verset 108, Allah Azza wa Jal dit « Ne t'y tiens jamais debout. » C'est-à-dire, ne prie pas dans Masjid al-Dirar. Masjid al-Dirar qui a été construit par les munafiqin, par les hypocrites, et on verra par la suite l'explication de Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah. La masjidun ussisa, une mosquée fondée, c'est-à-dire construite. La masjidun ussisa ay buniya ala taqwa, une mosquée fondée, c'est-à-dire construite sur la piété, qui est l'obéissance à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra par la suite que la mosquée dont il est fait allusion ici est la mosquée de Quba ou bien la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la divergence qu'il y a entre les exégètes du Coran. Allah aime ceux qui se purifient, c'est-à-dire ceux qui se purifient des saletés physiques ou morales. Des saletés physiques ou morales. Des saletés physiques connues de toutes, ou morales, qui sont les péchés et à leur tête le polythéisme. المعنى الإجمالي للآية لسانس جنرال دو سو فيرسي ينهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون مضارة لمسجد قباء وكفرا بالله ورسوله وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه ليتخذوا من ذلك حجة يبررون بها عملهم ويسترون بها باطلهم فوعدهم صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما طلبوا ولم يعلم قصدهم السيء فنهاه الله عز وجل عن ذلك وحثه على الصلاة في مسجد قباء الذي بني على طاعة الله ورسوله أو في مسجده صلى الله عليه وسلم على اختلاف بين المفسرين في ذلك ثم أثنى على أهل ذلك المسجد بتطهرهم من الشرك والنجاسات والله يحب من هذه صفته. Donc le sens général de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans la mosquée Ad-Dirar qui a été construite par les hypocrites afin de porter préjudice à la mosquée de Quba, qui est la première mosquée construite en islam. Ils ont construit également cette mosquée Ad-Dirar, bâtie sur la mécréance d'Allah, sur la mécréance envers Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces hypocrites ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans cette mosquée qu'ils ont construite, afin de prendre cette prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce lieu comme une preuve par laquelle ils pourront légitimer leur acte et cacher la fausseté sur laquelle ils l'ont bâti. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a promis de le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a promis de prier dans cette mosquée. Mais ils ne connaissaient pas leurs mauvaises intentions. Ainsi, Allah Azza wa Jal lui a interdit de le faire et l'a encouragé à prier dans la mosquée de Quba qui a été bâtie sur l'obéissance d'Allah et de son envoyé ou dans sa mosquée sallallahu alayhi wa sallam selon la divergence qu'il y a entre les savants du tafsir. Puis Allah Azza wa Jal a fait l'éloge des gens qui prient dans cette mosquée bâtie dans l'obéissance d'Allah. Allah Azza wa Jal a fait leur éloge en les qualifiant de personnes qui se purifient du shirk et qui se purifient des saletés physiques. Et Allah aime ceux qui sont dotés de cette caractéristique. Munasabatul ayati lilbab. هي قياس الأمكنة المعدة للذبح لغير الله على المسجد الذي أعد لمعصية الله في منع عبادة الله فيه فكما أن المسجد لا تجوز الصلاة فيه لله فكما أن هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه لله فكذلك هذا الموضع الذي أعد للذبح فيه لغير الله لا يجوز الذبح فيه له سبحانه. Quel est le contexte de ce verset dans ce chapitre? Ce verset qui parle de la mosquée construite par les hypocrites et de l'interdiction qu'Allah Azza wa Jal a faite à son envoyé d'y prier. Quel est le contexte de ce verset dans le chapitre qui est celui qu'on étudie, l'interdiction de sacrifier pour Allah dans un endroit dans lequel on sacrifie pour autre qu'Allah. Le contexte est l'analogie entre ces endroits qui ont été construits et mis en place pour sacrifier des bêtes pour autre qu'Allah. De faire l'analogie entre ces endroits et cette mosquée qui a été construite dans le but de désobéir à Allah. Lorsque Allah a interdit de l'adorer dans l'enceinte, dans son enceinte. Allah Azza wa Jal interdit à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam de prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa prière est la plus complète. C'est celle qui est la mieux accomplie. Et Allah Azza wa Jal a interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de se rapprocher de lui dans cette mosquée qui a été construite par les hypocrites. De la même façon, il est interdit de sacrifier pour Allah dans des endroits qui ont été mis en place et qui sont utilisés pour sacrifier pour autre qu'Allah. Est-ce que vous avez compris l'analogie ou pas? C'est clair? Quelqu'un n'a pas compris? Ma yustafadu min al-ayat, ce que l'on retient de ces versets. أولا منع الذبح لله في المواضع المعدة للذبح لغيره قياسا على منع الصلاة في المسجد المؤسس على معصية الله. Premièrement, ce que l'on retient de ces versets, l'interdiction de sacrifier pour Allah dans les endroits mis en place pour sacrifier pour autre qu'Allah. Ceci en analogie avec l'interdiction de prier dans une mosquée bâtie sur la désobéissance d'Allah. ثانيا استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات. Deuxièmement, qu'il est préférable de prier avec des gens vertueux qui s'éloignent de toute chose impure. Car Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge de ceux qui se purifient de façon physique, mais aussi de façon morale de toute forme de polythéisme. Thalithan, ithbatu al-mahabbati lillahi ala al-wajhi al-la'iqi bihi subhanahu kasa'iri sifatih. Troisièmement, on retient de ce verset l'attestation ou le fait que l'on attribue, que l'on atteste à Allah l'attribut de l'amour, comme cela est propre pour lui, subhanahu wa ta'ala, et l'on atteste à Allah l'attribut de l'amour, comme l'on lui atteste l'ensemble de ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Allah aime, mais il n'aime pas comme ses créatures. Et Allah Azza wa Jalla le dit clairement, Wallahu yuhibbul mutahirin. Allah aime ceux qui se purifient. Rabi'an, al-hathu ala isbaghi al-wudu wa at-tatahhuri min al-najasat. Quatrièmement, et on retient de ce verset, l'encouragement à faire les ablutions et à se purifier de toute forme d'impureté. Khamisan, an-niyata tu'athiru fil biqa'. Cinquièmement, que les intentions ont un impact sur les endroits. Que les intentions ont un impact sur les endroits. Tu peux construire une mosquée, mais si tu construis une mosquée dans le but de désobéir à Allah, dans le but de diviser les musulmans, dans un but mauvais, eh bien, cela aura un effet sur cet endroit. Car Allah Azza wa Jalla a interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans quoi? Dans une mosquée. Pourquoi? Parce que l'intention sur laquelle cette mosquée a été créée est fausse, mauvaise et nulle. Sadisan, mashru'iyatu sadd adh-dhara'i al-mufdiyati ila ash-shirk. Sixièmement, qu'il est légiféré de fermer la porte à tout moyen qui pourrait amener au shirk. Pourquoi est-ce qu'il nous est interdit de sacrifier pour Allah dans les endroits dans lesquels on sacrifie pour autre qu'Allah, pour fermer la porte à toute forme de polythéisme? ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك